On s'entretient maintenant en compagnie de Dominique Leniève, notre journaliste. On va s'entretenir avec Simon April, responsable des communications, responsable aussi de la défense des droits des personnes handicapées de l'organisme CAPVIE. On va parler de deux lois, une au provincial, une au fédéral, bien entendu, deux paliers de gouvernement, deux lois là, bien différentes. On va faire la lumière sur ça en compagnie de Dominique et de Simon April. Bonjour, Monsieur April. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. On s'était rencontrés il y a quoi, un an de ça déjà? Non, c'est au mois de janvier. Ah, même pas, ça fait pas si longtemps. Ben oui, ben oui. Et on va parler d'un autre dossier parce qu'à l'époque, on s'était parlé de l'accessibilité. C'est encore un dossier sur lequel vous travaillez. Exactement. Mais là, Dominique veut faire la lumière sur ces lois-là qui sont proposées, qui sont dans l'air, en tout cas, qui sont pas adoptées encore. Parce qu'il y a plusieurs dossiers qui touchent l'accessibilité et les droits des personnes handicapées. Donc, tu le mentionnais, il y a au provincial, on veut mettre plus d'argent dans les soins à domicile et au fédéral, ça se prépare en coulisses, on n'en parle pas beaucoup mais, dans les médias, mais on prépare une loi pour augmenter la protection des personnes handicapées. Alors, on va faire le point avec M. April qui représente l'organisme CAPVIE. Ben déjà, M. April, vous pourriez nous présenter votre organisme, la mission, votre mission finalement qui touche différents aspects de la défense des droits des personnes handicapées. Quelle est-elle, cette mission? Ben, dans le fond, le CAPVIE, on existe depuis 1979. Puis, au fil des années, ça s'est adapté un petit peu. Au début, on était beaucoup pour la défense des droits des personnes handicapées. On a changé un peu de modèle aussi. Puis, au fil des années, on est devenu avec deux services, qui est le service à domicile, de soutien à domicile, pardon, et le service de défense des droits des personnes handicapées. Et à travers ça, il y a plusieurs, ça touche plusieurs dossiers, donc l'habitation, exactement, le transport, le travail, tout ça. Je voulais parler avec vous ce matin de cette annonce du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, la semaine dernière. Ça touche l'une de vos principales missions, qui est le soutien à domicile. Donc, M. Barrette qui injecte 52 millions de dollars dans les soins à domicile. Ouais, ça touche les personnes âgées. Ça touche aussi, dans une moindre proportion, les personnes handicapées. Maintenant, la question, vous m'en parliez tout à l'heure, c'est comment on va investir ces fonds-là? Ben exactement. C'est une annonce qui est faite en plein milieu de l'été. Donc, on n'a pas trop les détails de cette annonce-là. Ça va venir plutôt en septembre, mais ça donne le temps un peu au réseau de penser à combien on pourrait investir dans le soutien à domicile. Est-ce qu'on investit dans les travailleurs, dans les conditions de travail? Est-ce qu'on investit dans le nombre d'heures que les gens ont pour l'accompagnement au soutien à domicile? C'est ça la grosse question à se poser, parce que je pense que les deux sont bons, mais le choix va être difficile à faire, là. Puis vous, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain en termes de besoins pour les soins à domicile? Est-ce qu'une personne en situation de handicap a de la difficulté à recevoir des soins à domicile présentement? Ben présentement, je veux dire, si, mettons, on a besoin de soins à domicile, puis on veut se faire évaluer par le CIUS, une travailleuse sociale peut venir chez vous, s'il y a un délai de 6 mois. Puis ensuite, pour avoir, même si tu as le droit, mettons, exemple, je vais vous donner l'exemple, moi, j'ai besoin de, ben pas moi personnellement, mais les clientèles ont besoin d'aide au ménage, pour la nourriture, pour se laver et tout. Donc, c'est des volets différents. Puis, les gens, quand ils font la demande, il y a 6 mois d'attente pour se faire évaluer et il y a 2 ans d'attente pour avoir les heures et l'argent. Donc, les délais sont très longs. Si vous avez besoin de vous faire laver, quand on parlait cet hiver, de un bain par mois dans les CHSLD, ben à la maison, c'est la même chose. Si on veut pas se ramasser en CHSLD, il faut donner du soutien à domicile et rapidement. Donc, oui, les conditions de travail des employés, j'y crois. C'est pas que j'y crois pas, mais je pense qu'il y a un besoin urgent de subventions pour les personnes qui veulent rester à domicile. Quand on parle de subventions, moi, ce qui m'a allumé pour faire cette entrevue-là, c'est qu'à CKRL, on a entendu cette nouvelle-là qu'à Montréal, il y a un organisme, le CAMO, oui, qui, lui, c'est vraiment pour l'employabilité des personnes handicapées. Oui. Le CAMO à Montréal qui a fermé parce qu'il s'est vu couper une subvention du gouvernement provincial. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organismes qui font ce travail-là à Montréal. Exactement. Donc, le gouvernement a dû faire des choix, mais à CKRL, on s'est demandé comment vont nos organismes à Québec. Ben c'est sûr qu'à Québec, les subventions sont moins nombreuses, mais les organismes sont moins nombreux aussi. Mm-hmm. Donc, on est moins à se partager la même job. Comme exemple, on parlait tout à l'heure des logements. Ouais. Les logements. Vous me le disiez, les CLSC, le CIUS, ces organismes-là ne s'occupent pas des logements pour les personnes handicapées à Québec. Ben présentement, ils ont la mission de le faire, mais dans les coupures du gouvernement dans les dernières années, c'est quelque chose qui a été touché, là. Donc le service de placement pour les logements, présentement, il n'existe plus. Donc, il y a beaucoup déversé aux communautaires. Cette année, on a eu au-dessus de 40 appels mm-hmm. pour trouver des logements des personnes handicapées. Mais aussi, il y a un phénomène social là-dedans que la population vieillit. Et la population de l'Est du Québec vieillit beaucoup. Québec, c'est un bon point central. Et beaucoup de gens décident de partir de l'Est du Québec pour venir habiter à Québec sans connaître la ville. Et les travailleurs sociaux qui nous appellent de Rivière-du-Loup, de Baie-Comeau, peu importe, ne savent pas comment s'enligner avec cette exemple, une personne en fauteuil électrique qui veut venir rester à Québec, dans quel quartier elle doit venir rester, où sont les logements, c'est quoi les services que j'ai besoin. Il y a beaucoup de flou là-dedans. Là. Donc, on a beaucoup parlé de l'austérité ces dernières années. Les services publics ont été coupés, puis il y a justement cette question du logement qui n'est plus... cette mission-là n'est plus vraiment comblée par les organismes publics. Vous, ça a entraîné une hausse des demandes, mais pas nécessairement une hausse des subventions. Exactement. T'sais, dans le fond, on s'est retrouvé avec je veux pas dire le problème, avec la demande, puis on a peut-être un grand cœur, on aimerait ça subvenir aux besoins des gens, mais présentement tout ce qu'on fait c'est donner des endroits qui sont accessibles pour aller louer un logement ou acheter un condo ou même une maison, parce qu'il y avait eu le programme qui s'appelait le programme PAD. Mm-hmm. C'est un programme d'adaptation à domicile qui est passé de 24 millions en un an à 3,5 millions. Donc, je sais pas si les gens ont plus besoin de faire adapter leur domicile. Je ne crois pas que c'est le cas. C'est plutôt la subvention. Donc, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça va faire pour ça. Mais si on veut maintenir les gens à domicile, il faut subventionner pour ça. Vous, quand vous avez vu le couperet tomber contre le CAMO à Montréal, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez vu ça comme un affront aux organismes en soutien aux personnes handicapées? Ben, j'étais pas trop au courant de comment le CAMO, sûrement qu'ils l'ont vu venir d'avance, un an d'avance, parce que les subventions sont un an toujours. Donc, sûrement que le CAMO était un peu nerveux concernant sa mission de base. Est-ce qu'ils ont respecté leur mission de base? Est-ce que la subvention a été enlevée parce que d'autres organismes faisaient le même travail? Je ne sais pas. T'sais. C'est un effet entonnoir, dans le fond. Monsieur Après, j'ai une question, parce que vous parlez de maintenir les gens à domicile. Est-ce que vous avez des statistiques ou des chiffres concernant... Est-ce que c'est plus rentable de garder les gens à domicile par rapport à aller dans les exemples, les CHSLD? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent et qui pourraient être servis au gouvernement? Je peux pas vous dire précisément, mais quelqu'un en CHSLD qui a besoin de soins à longueur de journée, c'est à peu près 75 000 $ par année. Puis en général, comme moi, je suis une personne handicapée et j'ai une travailleuse qui vient travailler chez nous, c'est peut-être 2 500 $ de subvention par année. Donc, il y a une méchante différence. Donc, au bout du compte, c'est payant là, de garder les gens à domicile. C'est sûr, il y a beaucoup moins de services, mais il faut donner le service. Parce que si on ne donne pas le service, les gens se ramassent en CHSLD. Et là, c'est plus coûteux pour le gouvernement, Exactement. La logique. Ouais, ouais. C'est la même chose, comme on ne va pas parler de ça, mais c'est la même chose pour les prisons puis, mm-hmm. puis la prévention. Bon, ben, je le disais, il y a plusieurs dossiers qui touchent les personnes handicapées. On parle de subventions puis de différents fonds depuis tantôt. Il y a un autre dont vous vouliez me parler ce matin, c'est au niveau fédéral. Il y a une échéance qui arrive pour les entreprises qui veulent rendre plus accessible leur bâtiment. C'est le fonds d'accessibilité qui existe depuis 2008. Oui. Mais ça va être un peu compliqué pour les entreprises qui veulent se prévaloir de ce fonds-là, justement parce que l'échéance arrive en plein milieu de l'été. Oui, ben c'est ça. C'est que le fonds d'accessibilité, idéalement, il devrait être disponible à longueur d'année. Mais cette année, ils ont décidé de le faire jusqu'au 26 juillet. Donc, pour avoir droit au fonds d'accessibilité, vous devez avoir 3 devis de fait, donc 3 évaluations de coûts. Ensuite, vous devez avoir, dans le fond, tout le rapport fait par un ergothérapeute. Et je tiens à préciser tout à l'heure que je disais que ça prenait 6 mois à avoir un ergothérapeute ou une travailleuse sociale. Et aussi, il y a un montant d'argent X, c'est 35% de la subvention, dans le fond, du coût que le gouvernement va payer. L'aspect le plus difficile là-dedans, c'est que pour avoir droit à cette subvention-là, on doit avoir une personne handicapée employée. Je suis pour l'emploi des personnes handicapées, 100%, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans les restaurants ou les bars, c'est rare que les personnes handicapées travaillent, donc c'est difficile pour le service et tout. Donc, on élimine toutes les bâtisses, qu'il y a des restaurants, des bars ou tous les endroits que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler, autre que les sièges gouvernementaux. Donc, ça fait beaucoup d'entreprises qui ne profiteront pas de ce fonds-là et qui ne pourront pas améliorer l'accessibilité de leurs bâtiments pour leur clientèle. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on a une rencontre avec M. Duclos d'ici la fin de l'été pour parler de cet aspect-là, parce que je crois que l'emploi des personnes handicapées et le fonds d'accessibilité, c'est deux choses différentes. Vous me parlez du ministre Duclos, vous, donc ce ministre fédéral. Donc, vous m'ouvrez la porte pour la loi fédérale qui est en préparation pour la protection des droits des personnes handicapées. Justin Trudeau a été élu en novembre dernier sur la promesse de réduire les inégalités pour tous. Il s'est attaqué à la discrimination chez les personnes transgenres et la communauté LGBT récemment. Il veut faire la même chose avec les personnes en situation de handicap. Puis on n'en parle pas vraiment publiquement, mais dans les coulisses, effectivement, il y a une loi qui se prépare. Qu'est-ce que vous savez des intentions du gouvernement? Bien, présentement, il y a juste des consultations qui ont commencé en juin. Mais il va y avoir des tables rondes là, de septembre à février 2017. Ils font ça à la grandeur du Canada, donc de Vancouver à Halifax. On va avoir notre tour, inquiétez-vous pas. Sauf que c'est un peu flou. Donc, qu'est-ce qu'on veut là-dedans? L'accessibilité. Je sais que l'objectif est de rassembler tous les programmes qui concernent les personnes handicapées dans cette loi-là. Donc, un peu un petit ménage à faire là-dedans. Mais les consultations sont un petit peu vagues, donc les sujets vont un peu n'importe où. Présentement, c'est pas très précisé. Je sais que ça leur donne une petite conscience sociale, puis c'est bien pour tout, mais donc il faut voir qu'ils On peut espérer que c'est pas juste pour l'image qu'ils font ça, exactement, mais que ça va vraiment améliorer la situation des personnes. Ça va prendre des points ciblés, là. Puis vous, dans le fond, avec M. Duclos, vous arrivez avec quelle proposition à faire concernant cette loi-là? Bien, nous, comme on parlait tout à l'heure, il y avait le logement. Donc, nous, le logement, c'est sûr qu'on aimerait ça, que ça soit sur la table. Aussi, on aimerait ça, comme je parlais du programme PAD tout à l'heure, parce qu'au niveau du fédéral, la différence, c'est plutôt des allègements fiscaux, des crédits d'impôt, les subventions marchent de cette façon-là. Donc, on aimerait que, comme quand tu veux faire rénover ta maison, tu as un crédit d'impôt pour ça depuis 2 ans. Donc, on voudrait que ça soit la même chose pour l'accessibilité, qu'il y ait un crédit d'impôt quand je veux rendre ma maison, mon condo, mon logement accessible. Ça fait quand même 5-6 fois facilement qu'au fédéral, là, au Parlement canadien, il y a un parti qui tente de faire adopter une législation. Ça fait depuis 76. Puis c'est la première fois que ça risque de se concrétiser. Là, on a un gouvernement qui, pour la première fois, a 2 ministres en situation de handicap. Ouais. Vous avez vu ça, vous avez accueilli ça de quelle façon, l'élection du gouvernement Trudeau? J'ai trouvé ça bien et j'ai trouvé ça drôle. Ouais? Parce que un des ministres qui était en fauteuil roulant, leur bureau au Manitoba n'était pas accessible. Ah, oui. Donc, il n'a pas pu siéger pendant les quatre premiers mois. Hey boy. Donc, ils ont rendu le tout accessible, mais ça prend du temps même pour les ministres. Ben, tu sais, au niveau fédéral, on a des chartes, il y a quand même des lois déjà qui existent pour les personnes handicapées, mais le fait de faire une loi plus générale, là, c'est une bonne chose selon vous? Ben, c'est une bonne chose, oui, mais c'est plutôt dans l'application que ça va être difficile. Mm. Parce qu'on peut avoir les meilleures lois du monde, si on ne les fait pas appliquer, c'est difficile un peu. Il y en a, comme à Québec, il y a un fonds qui s'appelle Rénovation de façade. Okay. Puis la rénovation de façade, ça inclut l'accessibilité des vieux bâtiments. Présentement, il y a une liste d'attente de 2 ans à la Ville de Québec pour avoir droit à cette subvention-là. Et il n'y a rien qui avance. Puis ça ne veut pas dire que dans 2 ans, la subvention va être encore là. Donc, on peut avoir les lois qu'on veut. S'il n'y a pas d'argent dedans ou s'il n'y a pas de vouloir de la population des villes, des gouvernements provinciaux, fédéraux, il n'y a rien qui va avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça bouge. J'espère que votre voix sera entendue. Je ne sais pas si Québec va être un peu privilégié dans l'élaboration de cette loi-là, parce que certes, cette loi-là fédérale, c'est le dossier de la ministre des personnes handicapées. C'est la première fois qu'on a une ministre qui se consacre aux personnes handicapées au fédéral. Oui. Mais le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, va être appelé à la soutenir aussi, cette ministre-là. Bien, surtout que c'est le ministre de la région de Québec aussi, là. Donc, ce qui pourrait nous aider aussi, c'est comme, je vais vous donner l'exemple de cet hiver pour le Centre Vidéotron. Ouais. Qui est un bel exemple là, d'accessibilité qu'on a fait à la Ville de Québec. On a participé à toute l'élaboration des projets puis des plans. Donc, on est allé dans les salles de bain, on est allé dans l'entrée, on est allé un peu partout. Puis si vous vérifiez là au centre Vidéotron, c'est top nickel. Et c'est grâce à vous notamment, à Capvie. Exactement. Simon April, c'est toujours un plaisir de vous parler. Puis on aura probablement l'occasion de vous recevoir à nouveau quand cette loi-là sera plus concrète, là, au-delà des consultations qui tirent dans tous les sens présentement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous parler, Simon April, qui est chargé de projet, responsable des communications et de la défense des droits à l'organisme Capvie.